Sans ça, les gens ne pourront pas passer à travers. Quand ils disent, si tu ne regardes pas le milieu de Dieu dans les yeux, c'est bien ça. C'est la vérité. Tandis. Parce que la personnalité se prend sérieux. Puis l'homme, comme il disait lui à soi, l'homme anthropomorphise tout. Tu peux pas blâmer, tu vas à l'astral, ou les gens qui vont en astral, ils vont dans des mondes où tout est anthropomorphisé. Mais quand tu rentres dans le miel, quand tu rentres dans les terres, il n'y a rien d'anthropomorphisé, tout est ça. Fait que. La vie de l'ego est pas la même. L'expérience de la personnalité est totalement diminutive. Tu vis plus d'expérience. Tu vis d'esprit. Tu n'es plus au service de l'âme. L'âme est à ton service à toi. C'est toi qui rends le show. C'est normal que vous ayez peur. Vous avez peur, vous, parce que vous avez une sensibilité délicate. Sensible. Les gens sensibles ont peur. C'est normal. Mais il faut qu'on en arrive un jour à faire face à l'occulte. Bon, on est préparé pour ça, fait qu'on a des petits peurs de temps en temps pour nous tasser. Pour nous tasser. Éventuellement, hein. T'as plus peur de l'occulte. T'as plus peur, autrement dit, de l'invisible puis du contraste ou de la. Ou de l'intervention de l'invisible dans le matériel. Ou, ouais, on va m'asseoir. T'as qui? 2h20? Alors. Y en a-tu parmi vous autres qui commencent à pas se sentir dans la personnalité? Ça va gagner pas gros. Y en a-tu qui. Ok. À un certain moment, t'es beau, t'es fin, t'es ci, t'es ça, t'as des défauts. Y en a-tu qui commencent à sentir qu'ils n'ont pas de défauts et qu'ils n'ont pas de qualité? Il y en a-tu qui commencent au moins? Il y en a qui commencent. Bon, mais si vous commencez, mais vous commencez à rentrer dans la phase qui vous amène à ne pas sentir votre personnalité. En avez-vous vidé? C'est la phase qui vient, ça. Définitivement, on se voit différent. Ouais. Éventuellement, tu ne te vois plus. Tu te vois tellement différent, il n'y a pas que tu te comprends pas. Tu réagis plus à des choses comme tu réagissais. Si vous commencez, ceux qui commencent à pas sentir de défauts et de qualité, là c'est un signe. Ça. Vous entrez. Parce que le stage après, c'est que tu vois pas ta personnalité. Ouais. Là, tu commences à être. Tu commences à être. T'es drôle des mots, hein? Aïe. Y en a-tu qui ne comprennent pas? Des fois. Des fois. Ah, des fois, c'est correct. Mais y'en a-tu qui ne comprennent pas? Moi, j'ai vas-y. Y'a trois quarts du temps, tu ne comprends pas. Comprends. Tu me comprends-tu, toi, Mélie? Ouais. Y'en a-tu d'autres qui ne comprennent pas? Ça va venir, Steph. Pourtant, je suis simple. Stay there. Non mais c'est pas ça, me comprendre. Me comprendre, me comprendre. Oh, ouais, vous n'êtes pas venu me répéter pour me comprendre. C'est quand tu parles, là, c'est compréhensible, puis tu le vois au niveau, disons, de l'image, de la parole que tu dis, là. Mais demi-heure après, tu vas essayer de le parler, toi, là. Oh, ouais, ça, c'est normal. Ça. Mais tu le vois. Ouais. Quand tu parles, ça se tient. Oh, ouais, ça dans un esprit, ça se tient. Oh, ouais, okay. C'est au niveau de l'esprit. Ouais. Des fois, tu sors des affaires, c'est comme un théorème. Ouais. Dis, reste près de chez vous. Lui, il me comprend. Ah, ce qui est dit. Yeah. Lui, c'est extraordinaire. Ah, oui. Ça, je me fiche. Ouais. Je mettrais mon 30 sous sur lui, n'importe quand. C'est drôle parce qu'il est sous une oreille et il comprend pareil. Il me comprend. C'est extraordinaire. Ah oui, tout à l'heure, quand il a repris de ta pensée, ouais. Il a détruit aussi. Ouais. Ça arrivait comme ça. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait des gens comme ça parmi nous autres, parce qu'un jour, ces gens-là seront là pour vous donner un coup de main si vous avez besoin d'un coup de main. Parce que Guy explique des choses d'une façon différente de la tienne, dans le sens que on a eu une petite rencontre il n'y a pas longtemps. Ouais. Et puis je pense qu'il s'adresse surtout, je dirais, à notre intellect. Ouais. Je sais pas si le mot est juste, mais en fait, ouais. C'est bien, bien différent. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Parce que tout ce que tu dis, la majeure partie du temps, ça ne s'adresse pas à notre intellect. Ouais. On s'en rend compte, puis on essaie d'analyser, puis de synthétiser, en fait, tout ça. Ouais. Moins tu arrives à quelque chose. Ouais. Mais lui, il vous ramène ça. C'est probablement le genre de travail qu'il y a à faire, j'imagine, pour Moi, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, tu me comprends, hein? Il dit oui. Puis ça n'a pas longtemps, je l'ai rencontré à l'école, là, là-bas. Tu comprends? Puis moi, je sais quand les gens me comprennent. Putain, c'est simple. On peut pas comprendre d'abord sans être capable de le réexpliquer après parce qu'on le réexplique. Ouais, mais non, vous n'avez pas les. C'est intérieur. On se sent bien avec ça, c'est ça. C'est ça le comprendre, c'est se sentir bien avec ça. C'est ça. C'est individuel. Ouais. Toi, tu peux me comprendre d'une façon, l'autre, tu peux me comprendre d'une autre façon, l'autre d'une autre façon, mais vous comprenez tout pareil. C'est ça. Ouais. Vous me comprenez-vous? Vous? Ouais, vous comprenez. Ça doit être le fun de me comprendre, parce que moi, je me comprends pas. Faut que je m'écoute. Si je m'écoute, c'est intègre, là, je me comprends. Tu sais, je dis, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Mais quand je parle trop vite, j'ai pas le temps, j'ai plus de réflexion, fait que je peux pas me comprendre. Je parle du final, ça s'en va par là. Mais quand je m'écoute, c'est intègre, là, je me comprends. Je trouve ça intéressant. Tu parlais du mois passé qu'il va y avoir un changement que je vais avoir important qui s'en vient là. C'est à quelle échelle ou à quel niveau? vous ne réaliserez pas. C'est trop interne. Tu veux dire pour la masse des gens qui étaient... Ouais. Pour ceux qui étaient à la conférence, que... C'est intérieur, ça. Vous me comprenez-vous? Ouais. Vous comprenez-vous? Vous comprenez? Vous aussi, vous comprenez? Facile à comprendre, hein? Tout bon. Puis il dit que je suis facile à comprendre. Vous me comprenez-vous? Non, c'est clair. C'est clair, clair. Puis il est comique, lui. Parce que lui, il me comprend pas comme vous me comprenez. C'était tout un autre patin. C'est tout un... Là, il y a une autre tioterie. Ouais. Puis tu commences à me comprendre pas mal, hein? Moi, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire comprendre quelqu'un, mais j'ai bien de la difficulté à comprendre. Si tu me parles, toi, là, quand tu me parles, là, souvent tu me parles, je te comprends. Mais c'est pas que je te comprends. C'est que je prends tout ce que tu me dis et je le mets dans moi. Mon intellect ne bloque pas avec ce que tu dis. C'est pour ça que je te comprends. Si mon intellect rentrerait là, je ne comprendrais pas parce que j'essaierais de te comprendre. On a-tu ce que je veux dire? C'est ça que vous faites, vous autres. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ouais. Hein? C'est vrai, ça marche. Hein? On essaie plutôt d'écouter que de comprendre. Ouais, écoutez. Ouais. Moi, j'écoute plus que de comprendre. Ouais. Me comprendre, savoir ce que je dis. Savoir que c'est ce que ça veut dire. Ah, il n'y a pas de différent. J'ai toujours l'impression que comprendre, mais je ne suis pas toujours sûr de savoir ce que je dis. Ouais. Parce que je vais le développer. Ouais. Ça, on sait si ça développe. Ouais. Il y a toujours une suite. Je peux pas développer. Je peux pas développer avec vous autres. Il y a trop de choses. Hein. C'est infini. Fait que je parle un petit peu de ça, puis un petit peu de ça. Puis tant que je reviens un petit peu de ça, puis je le développe. Puis je le développe. Puis je vais à l'autre affaire, puis je développe. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on se détache de la connaissance pour entrer dans la vibration, puis je développe. Mmh. Bon. Si tu as une route, tu t'en vas sur une route, qu'elle soit 10 000 ou 100 000, comment tu manges dessus? C'est un petit peu de même. Une inscription que tu nous donnes, elle s'arrête au moment où nous autres même, on peut la voir nous autres même. Ouais. À ce moment-là, on est en attente, simplement. C'est ça. C'est ça. Si tu nous parles d'une route, c'est bien longue, tu nous expliques tous les détours, on va retenir ceux qui sont proches de qu'est-ce que c'est. C'est ça, exactement. Après ça, on voit les grosses courbes, les grosses montagnes que tu nous as parlé. Ouais. Ça, je dis, dans ce temps-là, c'est pas important. Un jour, ça va être important. C'est pour ça qu'il va en avoir d'autres plus loin. Il va dire, c'est pas vrai. Ouais. Aujourd'hui, on ne comprend pas qu'une couple de jours, le mot,